Un indicible mal nous pourrit les neurones. Depuis Néandertal et Homo habilis, un cancer des synapses, une peste réductrice, une survivance robuste d'un malheur initial. Elle extirpe le bon, le beau et le sublime par la trouée sanglante d'iris exorbités et sur une rétine vierge de toute trace de vie fixe des images ternes et condamne à l'inertie. Elle a su demeurer pendant des millénaires la force conservatrice d'une foule vieillie qui réduit à néant sans âme et sans esprit vénérait son apôtre qu'on nomme Michel Drucker. Michel Drucker, tout le monde est bien gentil, on chie pas sur les tapis. Au pays de Michel Drucker, tout est propre, tout est beau, sur les coussins y'a pas un pli. Dis-moi Michel Drucker, quel est ton secret, comment fais-tu tout ça? Au pays de Michel Drucker, j'ai quand même l'impression de voir toujours les mêmes têtes. Et alors Michel Drucker, ils sont où les méchants, les dégueux, les pavots? Alors Michel Drucker, pourquoi ton univers il respire l'eau de Javel? Michel Drucker est mort il y a 50 000 ans, c'est son âme errante qu'on voit à la télé. Après des millénaires, dans des lundins civils, se penche sur les gens, une sédative ressentiment. Au pays de Michel Drucker, les invités sont soignés, en plus ils se tiennent moi. Quand ils sont chez Michel Drucker, ils savent que les questions restent toujours sympas. Sinon, la vie, ça va? T'aimes bien Michel Sardou? T'es plutôt chien ou chat formidable? Michel Drucker est mort il y a 50 000 ans. On l'a fait revivre grâce au vaudou. Après des millénaires à manger de la terre, il déteste tout le monde, l'humanité tout entière. Michel Drucker est un zombie. Michel Drucker est une momie. Michel Drucker est un démon détendant, c'est en nous tout ça à la fois. Y'a pas d'investigation. Michel Drucker est un fantôme. Michel Drucker est l'esprit magique de la nuit. Michel Drucker est un guitare héros. Grand Michel Drucker, solo. Internet c'est vraiment pas bien, l'ordi c'est pas de la musique, les jeunes sont des feignants. Le punk qu'on connaît pas non plus, les rock c'est le cleaver, faut payer le Drucker. Des trucs nouveaux c'est nul. Progrès j'écris ton nom, Russe KER. Le royaume de Michel Drucker est un lieu de souffrance où l'ennui est mortel. Quand tu vas chez Michel Drucker, tu le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Par la force de ses mots, Michel Drucker a touché tous tes points vitaux. Michel Drucker est mort il y a 50 000 ans, un génie du mal a ressuscité. Après des millénaires à manger de la terre, il déteste tout le monde, l'humanité tout entière. Michel Drucker est mort il y a 50 000 ans, le docteur Frankenstein l'a recousu. Revenu à la vie grâce à la médecine et l'électricité, pendant mille ans encore il va nous hanter. Michel Drucker est un zombie. Michel Drucker est une momie. Michel Drucker est une mamie. Michel Drucker est un papy. Michel Drucker est un tapis. Michel Drucker est l'antéchrist d'après l'ordi. Michel Drucker est un sushi. Michel Drucker est une bougie. Michel Drucker est un ravioli. Michel Drucker est un sashimi. Michel Drucker. Ça t'apprendra à pas être vieux, petit con. Formidable.